une des énigmes de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est devenu Martin Bormann? Bormann, l'homme qui était peu à peu apparu comme étant le numéro 2 de l'Allemagne nazie, le véritable chef du Parti national-socialiste, le personnage le plus proche d'Hitler. Il était officiellement son secrétaire et celui qui avait le plus d'influence sur lui. Et qui peut-être même, étant donné l'état de santé délabré du Führer, a réellement exercé le pouvoir dans les derniers mois du Troisième Reich. Bormann, criminel de guerre, condamné à mort par contumace par le tribunal de Nuremberg. 100 000 Deutschmark étaient offerts après-guerre par le procureur de Francfort pour tout renseignement permettant sa capture. Car pour tout le monde, il était évident que Bormann avait réussi à fuir la capitale du Reich et qu'il était toujours vivant. Pourquoi ai-je demandé à M. X de me parler de cette affaire? Parce que France Inter a célébré toute la semaine la chute du mur de Berlin. Berlin, où commence le mystère Bormann. Aujourd'hui, on connaît la vérité. Mais le mystère Bormann est-il pour autant dissipé? Car l'homme n'était peut-être pas celui qu'on croyait. C'est en tout cas la conviction de M. X. Et avant de l'entendre, je vous propose quelques lignes extraites d'un livre de Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis. Il dresse d'abord un portrait physique du secrétaire d'Hitler. J'ai passé des heures à étudier les photos de l'énigmatique Bormann, un homme lourd, pesant, avec un cou de taureau, une face impassible, sans caractéristiques, étrangement vide, plutôt brutale. Lorsque j'ai discuté de la légende de Bormann avec Fritz Bauer de Francfort, procureur au procès d'Auschwitz, il traita Bormann de buveur de bière typique. Bormann avait le visage banal que tout le monde peut voir dans les brasseries de Bavière, où des hommes sont assis autour d'un verre de bière à discuter politique, et où les discussions sont plus souvent réglées par la force de la voix que par le poids des arguments. Puis le chasseur de nazis ajoute, en évoquant le rôle de Bormann, Joseph Wulff, l'historien juif, appelait Bormann l'ombre d'Hitler, signifiant par là que Bormann était l'omniscient et passif alter ego du Führer. Je crois que les nazis qui appelaient Bormann l'âme damnée d'Hitler étaient plus proches de la vérité. Tel était donc l'homme dont M. X a choisi de nous parler. Rendez-vous avec X. La disparition de Bormann, c'est un petit peu le serpent de mer de l'histoire nazie. Que voulez-vous dire? On a à peu près raconté tout et n'importe quoi à propos de sa disparition et de sa réapparition dans les endroits les plus divers. Et ces pseudo-informations n'étaient pas toujours innocentes. Oui, et sans vous, alors, ça signifie que, qu'on dirait que certains avaient intérêt à propager ces fausses informations? Bien évidemment, et rappelez-vous, il en a été de même pour Hitler. On a longtemps prétendu qu'il avait organisé un faux suicide et qu'il était sorti vivant du bunker de la chancellerie. Mais là, qui se trouvait derrière cette désinformation? Staline, par exemple. Ah, Staline, mais pour quelle raison? Il faut se replacer quand même dans le climat de l'après-guerre. La guerre froide, vous voulez dire? Oui, Staline avait tout intérêt à faire croire que Hitler était toujours vivant et donc que la menace nazie était encore réelle. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a imposé un véritable blackout sur toutes les informations touchant la mort du Führer. Oui, mais les Soviétiques étaient les mieux placés, hein. Mieux placés que quiconque pour connaître la vérité. Bien sûr, puisque ce sont eux qui ont découvert le cadavre d'Hitler. Ce sont eux aussi qui l'ont autopsié, formellement identifié, grâce à une expertise dentaire. Donc, manipulation. Tout à fait. La vérité ne sera révélée que très tardivement, dans les années 60, lorsqu'un historien russe publiera les rapports d'autopsie des deux corps, en particulier calcinés, retrouvés dans le jardin de la chancellerie à Berlin. Ouais. Et pour Bormann, alors, il y a eu aussi des informations? Incontestablement, mais c'est aussi beaucoup plus compliqué. Ouais, expliquez alors. Bormann était l'homme de tous les secrets, et sa mort éventuelle, pardonnez-moi l'expression, aurait représenté une véritable tuile pour beaucoup de gens. Par conséquent, il était tentant de faire croire qu'il vivait encore. Ouais, moi, je trouve pas ça très clair. Je vais vous expliquer. Mais une nouvelle fois, je vais vous demander un petit peu de patience. Je commence à y être habitué. Enfin, je constate que vous ne vous lassez pas. Bon, alors je vous écoute. D'abord, quelques mots sur Bormann et son irrésistible ascension, comme ne l'aurait pas dit Bertolt Brecht. Ouais. Martin Bormann était un nazi pur sucre. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, il a alors 18 ans, il s'engage dans une milice d'extrême droite. Ça lui vaudra d'ailleurs d'être arrêté pour meurtre et emprisonné quelque temps. Mais quand rejoint-il Hitler? Très vite. Dès 1928, c'est déjà un permanent du parti nazi. Et il devient l'adjoint de Rudolf Hess. Hess qui va devenir Le personnage le plus important du troisième Reich. Oui, puisque le Führer a même envisagé d'en faire son successeur. Mais en 1941, nous en avons parlé ici même, Hess s'envole pour l'Angleterre. Et Bormann, peu à peu, va prendre la place de son chef auprès d'Hitler. Ça veut dire qu'il va supplanter tous les autres chefs nazis, hein, les Göring, Himmler, Goebbels... Oui, parce qu'en tant que secrétaire et chef de la chancellerie du parti, il ne quitte pas Hitler d'une semelle. Pour avoir accès au Führer, il faut en passer par lui. Ça lui donne évidemment un pouvoir considérable. Et à ce titre, il porte une responsabilité écrasante dans tous les crimes commis par les nazis. Mmh. Et le personnage lui-même hein? C'est un cynique et un jouisseur. Jouisseur hein? Oui. Bormann, fort de sa puissance, a multiplié les aventures. D'ailleurs, il était officiellement partisan de la polygamie. Et il envisageait sérieusement de la rendre légale dans la future Allemagne, celle de l'après-guerre. Mmh. Avec quels arguments, ça? De la guerre provoquait d'énormes pertes dans la population masculine. Il fallait donc repeupler l'Allemagne et autoriser les survivants à avoir plusieurs épouses. Ça l'arrangeait d'ailleurs bien, puisque lui-même avait déjà deux femmes. Son épouse, Gerda, qui lui avait donné 7 enfants, et une magnifique actrice, Manja Behrens, dont nous reparlerons plus tard. J'ajoute que la cohabitation entre les deux femmes était parfaite. Elle était très bien organisée, ce Bormann. Et intelligente, surcroît. Mais enfin, venons-en au dernier moment du Troisième Reich. Les troupes soviétiques approchent de Berlin. Hitler s'est réfugié dans un bunker situé sous la chancellerie. Oui, c'est ça. Bormann se trouve bien sûr à ses côtés. Il va y rester jusqu'au dernier jour. Absolument, oui. Pourtant, quand les Russes investiront le bunker, ils ne découvriront pas son cadavre. Mais seulement ceux de la famille Goebbels, d'un général, d'Eva Braun et d'Adolf Hitler. Alors, où Bormann est passé hein, c'est bien oui. La question. D'après les témoins qui se trouvaient dans le bunker, voilà ce qui s'est passé. Le 30 avril 1945, Hitler, après avoir épousé Eva Braun, décide de se suicider en avalant une capsule de cyanure. Je crois qu'il s'était tiré une balle. Non, ça c'est la légende. Le maître du Troisième Reich ne pouvait pas avoir choisi une mort aussi lâche, vous comprenez. Ah, d'accord. Mais les résultats de l'autopsie sont formels. Hitler s'est empoisonné. Et puis, quelle importance, n'est-ce pas? Le lendemain, les soviétiques ont encore progressé. Les derniers occupants du bunker décident de tenter une sortie. Et qui avait-il alors? Plusieurs hommes. Fritsche, un propagandiste de la radio, Naumann, le secrétaire d'État, Axmann, le chef des organisations de jeunesse, Kemka, le chauffeur d'Hitler et encore son médecin, Stumpfeger, et bien sûr Martin Bormann. Quand les sortir, c'était quand même risqué de tomber entre les mains des Russes. Hein. Exactement, si les fuyards ont décidé de sortir à la nuit, ils se dirigent d'abord vers la gare de la Friedrichstrasse, puis jusqu'au pont de la Wiedendammer qui traverse la Spree, et où stationnent encore quelques blindés allemands. Mais de l'autre côté, des tanks soviétiques forment un barrage. Donc impossible de passer. Apparemment. Mais Bormann, qui commande ce petit groupe, décide de tenter sa chance. Il donne l'ordre aux blindés allemands de s'engager sur le pont. Il espère pouvoir rompre la ligne des tanks russes. Il est obéi? Oui. Les militaires ne connaissent peut-être pas son visage, mais Bormann a pris la précaution de revêtir un uniforme de général SS. Alors le premier Tiger s'ébranle. Bormann et les autres marchent derrière. Mais soudain, une déflagration énorme se produit. Le blindé allemand bourré de munitions explose. Il était touché par un char soviétique? Oui, mais les fuyards ont eu le temps de se réfugier dans un trou de bombe. Ils sont tous indemnes. C'est incroyable, ça, c'est ouais. Un miracle, non? Absolument. Et là, ils arrachent leurs insignes, choisissent de franchir la Spree sur un pont de chemin de fer. Arrivés à la gare de l'Erter, déjà occupée par l'armée rouge, ils croisent des soldats russes qui leur prêtent à peine attention. C'est encore invraisemblable. Oui, mais c'est la vérité. Et puis, ces hommes n'étaient pas armés. Les militaires soviétiques avaient vraiment autre chose à faire. À partir de ce moment, le groupe se sépare. Bormann et le docteur Stumpfeger quittent les autres pour tenter leur chance. Léon, quelle est leur intention alors? Je n'en sais rien. Mais ils marchent en direction de la Invalidenstrasse, où l'on entend de nombreux tirs d'armes automatiques. Plus tard, les autres s'engagent à leur tour dans la même direction. Arthur Axmann affirmait plus tard qu'ils sont alors tombés en chemin sur 2 cadavres. Donc ceux de Bormann et de Stumpfeger. C'est en tout cas ce qu'a prétendu Axmann. Il a aussi dit que les 2 cadavres ne portaient aucune trace de blessure. Sans doute les 2 hommes qui étaient équipés de capsules de cyanure s'étaient-ils suicidés. Mm-hmm. Et les autres membres de ce petit groupe Leurs témoignages n'ont pas été aussi formels. Ils ont même été assez contradictoires. Ben, il faisait nuit, ne l'oublions pas. C'était la guerre. Quoi, ouais. Ouais. Enfin, toutefois, il y avait un détail important. Quoi? Dans la poche du manteau du cadavre, identifié comme celui de Bormann, il se trouvait un journal. Celui du secrétaire d'Hitler. Donc il s'agissait vraiment de Bormann. Et pourquoi Bormann, pour faire croire à sa mort, n'aurait-il pas glissé son journal dans le manteau d'un soldat mort? Ouais. Je vous assure, les cadavres couchés dans la rue, ça ne manquait pas cette nuit-là dans les rues de Berlin. Je voudrais revenir une nouvelle fois au livre de Simon Wiesenthal, dont le titre est « Les assassins sont parmi nous ». Le chasseur de nazis affirme d'abord que le document découvert cette nuit-là était réellement le journal de Bormann. Voici ce qu'il écrit en 1967. Quelques personnes ont affirmé que ce journal a été trouvé sur le sol. D'autres disent qu'il était dans la poche du manteau d'un cadavre. L'hypothèse est que ce cadavre doit avoir été celui de Bormann, car si le journal est authentique, le corps doit l'être aussi. Mais je pourrais mentionner une douzaine d'affaires dans lesquelles des nazis très importants ont placé leurs propres papiers d'identité dans les poches de cadavres, espérant qu'ils prouveraient leur fin à eux, chefs nazis. Il est également un autre point important sur le plan psychologique. Les chefs nazis auxquels j'ai demandé leur avis pensent tous que Bormann est toujours vivant. L'opinion générale est qu'il a toujours été rusé comme un renard, un homme à damer le pion, même à la mort. Eichmann était convaincu que Bormann vivait encore en 1960. Il l'a dit aux enquêteurs israéliens. Un grand diplomate, qui est l'une des sources les plus sûres pour moi, m'a dit qu'il existe un fonds Bormann en Espagne qui finance les activités néo-nazis et néo-fascistes. Nous allons bientôt revenir sur ce dernier point. Alors, quel est votre avis ? S'agissait-il vraiment du cadavre de Martin Bormann ? Monsieur Pénaud, permettez-moi de vous répondre un petit peu plus tard. Faut bien y consentir une nouvelle fois. Parfait. Alors voyons la suite. Les alliés, vous pensez bien, cherchent activement Bormann. Attendez, et les deux cadavres, que sont-ils devenus ? Ils ont disparu au cours des violents combats qui ont eu lieu à cet endroit. Enfouis, vous voulez dire ? Oui, peut-être, à moins qu'ils n'aient été ensevelis à la fin de la guerre. Mais on les retrouvera bien plus tard. Je poursuis, donc. On cherche activement Bormann. J'imagine que ceux qu'il cherche pensent qu'il a utilisé lui aussi une de ces fameuses filières d'évasion des SS. Oui, vous avez raison, nous avons déjà parlé. Les nazis, et Bormann était bien placé pour le savoir, puisqu'il en avait été l'un des initiateurs, avaient mis au point bien avant la fin de la guerre toute une série de réseaux d'évasion. Ce qui prouve, entre parenthèses, qu'ils ne se faisaient nulle illusion sur la façon dont ils seraient traités lorsque leurs crimes seraient découverts. Oui, mais en ce qui concerne Bormann, est-ce qu'on a un début de piste ? Assez vite, oui. Un type qui vient d'être arrêté parle. Il déclare qu'il a convoyé Bormann de Bavière jusqu'en Autriche, à proximité de la frontière italienne. Là, le nazi aurait été pris en charge par une organisation du Vatican. Revêtu d'une soutane de jésuite et muni d'un passeport de la Croix-Rouge, Bormann aurait embarqué à Gênes pour l'Amérique du Sud. Récit crédible ? Relativement. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est vrai, des religieux ont joué un rôle important dans les filières d'évasion des nazis. En Italie, en Croatie et même en France, on l'a vu quand a été découvert le complot des couvents. Je me souviens. Ouais. Deuxièmement, il est aussi exact que certains fuyards ont utilisé les passeports de la Croix-Rouge pour s'échapper. Enfin, troisièmement, il y a l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud a un vrai vivier d'anciens nazis. Et là encore, Bormann était l'un des mieux placés pour le savoir, parce que c'est lui qui avait préparé la future installation des nazis en Amérique du Sud, et essentiellement en Argentine. D'ailleurs. Ce qui signifie donc que Bormann ne croyait plus à la victoire du Reich. Oui, je pense que le déclic, ça a été le débarquement en Normandie. Bormann, et il n'a pas été le seul, s'est alors rendu compte que l'Allemagne allait perdre. Pourtant, il a quand même soutenu Hitler jusqu'au bout, hein, alors même qu'il préparait la fuite des nazis. C'est un double jeu ou Hitler était au courant ? Bah écoutez, je suis incapable de vous le dire. D'ailleurs, Hitler était-il encore en état de comprendre quoi que ce soit, enfermé comme il était dans sa paranoïa militaire ? Mais Bormann, lui, préparait l'avenir. Et il y a la revanche. Oui, on peut voir les choses comme ça. Et puis comme il savait que l'argent est le nerf de la guerre, il a commencé à organiser systématiquement la fuite des capitaux allemands vers l'étranger. C'est là l'un des grands secrets de la vie de Bormann. Il ne suffisait pas de préparer la fuite des nazis. Il fallait aussi leur permettre de vivre et de prospérer sur leur terre d'exil. Oui, mais de quels capitaux s'agissait-il exactement ? Il y avait d'abord l'or des nazis. Oui, l'or des victimes des camps de la mort. Oui, et puis il y avait aussi les capitaux de l'industrie allemande. Des capitaux interdits d'exportation depuis le début de la guerre. Bormann a levé cette interdiction et incité les industriels à investir à l'étranger. En passant par la Suisse, naturellement. Mais pour blanchir ses capitaux. Oui, tout à fait. Et les banquiers suisses ont parfaitement joué le jeu. Ils ont tout accepté. Ouais, tiens donc. Aussi bien l'or des juifs envoyés à la mort que ces capitaux de société qui avaient fait fortune grâce à la guerre. Après tout, l'or n'a pas plus d'odeur que l'argent. Oui. Et c'était donc Bormann, le maître d'œuvre de cette entreprise. Oui, il en connaissait bien sûr tous les secrets. Mais on a parlé aussi de mystérieux sous-marin chargé d'or et de valeur. Tout à fait juste. Et là encore, Bormann se trouvait derrière. Mais de quoi s'agissait-il vraiment ? Très tôt, Bormann avait organisé une chasse systématique à l'or et aux valeurs. Et dans chaque unité allemande, il existait un commando chargé de les rafler. Le résultat, c'est l'accumulation d'un butin considérable. Tellement important d'ailleurs qu'il est vite apparu que les banques suisses ou d'autres pays neutres ne pourraient pas en accueillir la totalité. Ah, quand même. Et dans les derniers mois de la guerre, il a donc été imaginé ses transports par sous-marin. Ouais, mais vers quel pays ? L'Argentine, essentiellement. Pourquoi ? Parce que là-bas, un ami venait d'arriver au pouvoir. Ah oui, Perón. Oui, Perón qui était un grand admirateur d'Hitler, comme vous le savez. Et Bormann avait mis en place là-bas un véritable réseau chargé de réceptionner les précieuses cargaisons, avec la complicité des Perron, mais surtout d'Eva Duarte. Ouais, Eva Perron. Ouais. Et Vita. Et vous n'ignorez pas que dans le couple Perron, c'est elle qui portait la culotte. Oui. Et Eva était au moins aussi intéressée qu'elle était ambitieuse. Intéressée, vous voulez dire qu'elle touchait au passage? Bien sûr. Et les Perron connaissaient dans le détail toutes les tractations financières des nazis. Et ça a une importance énorme dans notre histoire. Ah, mais racontez, hein. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La mort de Bormann aurait été catastrophique pour un certain nombre de gens. Maintenant, vous commencez à comprendre. J'avoue que je n'y vois pas encore très clair, non? Bormann connaissait tous les secrets de ces trésors exportés hors d'Allemagne. C'est lui qui possédait en quelque sorte les clés des coffres-forts. Bormann disparu, c'est le désastre. Une partie du trésor risque de disparaître ou d'être la proie de prédateurs particulièrement bien informés. C'est ce qui se passe? En Argentine, oui. Bormann ne donne pas de nouvelles. Les Perron en profitent pour s'approprier une partie du butin. Mais comment font-ils? Bon, quand on est au pouvoir, tout est possible. Le Perron, très opportunément, a rompu avec ses anciens amis hitlériens à la fin de la guerre. Par conséquent, il confisque les biens des nazis, des biens qui sont devenus d'un jour à l'autre des biens ennemis. C'est pratique, non? Ouais, c'est, mais vous avez dit que Bormann avait mis en place tout un réseau nazi en Argentine. Et ces gens-là laissent faire? Bah, ils sont coincés. Les Perron sont tout puissants. Et les nazis exilés en Argentine ont besoin de leur protection. Situation difficile. Mmh. Ils récupéreront quand même une petite partie du trésor, en partie grâce à notre vieille connaissance, Corzeny. Encore lui. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il était du dernier mieux avec Evita Perón. Peut-être son amant. Ouais. Enfin. Mais cette chasse au trésor sera émaillée de beaucoup d'accidents très curieux. C'est-à-dire? Eh bien, un certain nombre d'intermédiaires ou de gens un peu trop intéressés trouveront la mort dans des circonstances mystérieuses. À commencer par le propre frère d'Eva Perón. Mais c'est une autre histoire, ça. Revenons, si vous le voulez bien, à Martin Bormann. Mmh. Bormann qui ne donne pas de nouvelles, m'avez-vous dit. Et ce qui permet au Perón de mettre la main sur le trésor. Oui, il ne donne pas de nouvelles, c'est vrai, mais on le voit pourtant à peu près partout. Et en particulier en Amérique du Sud. C'est un peu contradictoire. Je sais, mais c'est la vérité. En 1956... une Allemande qui avait bien connu Bormann pendant la guerre le rencontre dans un autobus à Sao Paulo, au Brésil. Mmh. Un peu plus tard, au Chili, un journaliste italien reçoit les confidences d'une femme qui déclare avoir vécu 3 ans avec Bormann. Ce n'est pas tout. Les témoignages vont se multiplier. Oui, mais des témoignages sérieux? Ah, allez savoir. Wiesenthal, le fameux chasseur de nazis, l'homme qui a localisé Eichmann et a permis sa capture par les services secrets israéliens, a reçu des dizaines d'informations très crédibles, lui indiquant que Bormann était toujours vivant et qu'il avait effectivement trouvé un refuge en Amérique du Sud. Mais où exactement? J'y viens. À partir de tous ces témoignages concordants, il a établi que Bormann, riche et bien protégé par un réseau d'anciens nazis, vivait près de la frontière entre l'Argentine et le Chili. Et pourtant, le fameux chasseur de nazis se trompait. Monsieur X a parlé du rôle de Skorzeny dans la récupération du trésor nazi amassé par Martin Bormann. Le biographe de Skorzeny, Glenn Infield, dans un ouvrage paru chez Pygmalion, écrit ceci. Quoi qu'il en soit, dès le début de l'année 1950, Evita et Juan Perón avaient restitué à Skorzeny un quart environ des fonds expédiés par Bormann, fonds que Skorzeny s'empressa de transférer à Madrid dans les caisses d'Odessa et autres organisations nazies. Mais pour lui, ce n'était pas suffisant. Il restait décidé à récupérer la totalité du trésor, ou du moins ce qu'il en restait, avisé par les relations bancaires de Chartres, il s'agit d'un banquier allemand, qu'Evita et d'autres péronistes détenaient au moins 40 comptes numérotés dans des banques suisses, comptes qui ne pouvaient avoir été alimentés, du moins en grande partie, que par l'argent nazi. Il ne put cependant jamais soutirer à Evita de plus amples informations, car cette dernière, atteinte d'un cancer, mourut en juillet 1952. Infield évoque ensuite la mort mystérieuse de Juan Duarte, le frère d'Evita, et il ajoute. Mais Duarte ne fut pas le seul à qui la détermination de Skorzeny à retrouver le trésor de Bormann devait coûter la vie. Heinrich Dörge, l'ancien collaborateur de Chartres qui avait aidé Evita à cacher les fonds Bormann à leur arrivée d'Allemagne, ayant lui aussi commis l'erreur de s'imaginer qu'il avait droit à une part du gâteau, fut trouvé mort dans une rue de Buenos Aires, mort qui ne reçut jamais aucune explication officielle. Quant à Freud, le banquier pro-nazi, mais qui n'aimait pas Skorzeny, trop bien informé des dispositions de Bormann et du but auxquelles elles étaient destinées, ayant eu le malheur de vouloir contrôler l'usage qui en était fait, il mourut en buvant son café, sans que l'on parvienne jamais, selon les autorités argentines, à découvrir comment le poison avait pu être versé dans la tasse. Mais revenons à la question essentielle. Qu'est devenu Bormann ? La vérité a été longue à se faire jour. En fait, tout a commencé au milieu des années 60. Un journaliste du magazine Stern a entrepris une enquête sur la disparition de Martin Bormann. Et il a retrouvé un homme, un postier, je crois, qui lui a affirmé qu'il avait enterré deux cadavres au début du mois de mai 45 à proximité de la station de métro Lerterbahnhof. D'ailleurs, pas très loin de l'endroit où... Axmann, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Donc, donc où Axmann, l'ancien chef des jeunesses citériennes, aurait vu les cadavres de Bormann et du docteur Stumpfeger. C'est exact. Alors, que se passe-t-il? Le journaliste alerte les autorités. Enfin, il n'est pas question d'entreprendre des fouilles en pleine ville. Ah, pourtant, quelques années plus tard, alors que des travaux de voirie vont être entrepris près du Lerterbahnhof, on se souvient à ce moment-là de l'information qui a été donnée par le journaliste du Stern. Et alors, que fait-on? On demande aux ouvriers d'être vigilants. Et heureusement, car deux squelettes sont mis au jour. On est alors en quelle année? 1972. Tiens. Plus d'un quart de siècle s'est alors écoulé depuis l'ensevelissement de ces cadavres. Oui, et les deux squelettes, s'ils étaient complets, n'étaient pas en très bon état. Enfin, néanmoins, ils ont permis un certain nombre d'expertises médico-légales. Lesquelles? Les médecins légistes sont surtout intéressés à la dentition, les deux cadavres. Oui, mais est-ce qu'on disposait de la fiche dentaire de Bormann? Oui, elle avait été conservée par le dentiste des principaux chefs nazis. Et assez rapidement, on a établi que la dentition d'un des cadavres correspondait assez fidèlement à la fiche dentaire du dirigeant nazi. Enfin, les légistes n'en sont pas restés là. Ils ont comparé la forme du crâne avec des photos de Bormann. Et une nouvelle fois, ils ont conclu que l'un des cadavres pourrait être la dépouille de Bormann. Mais il y avait encore un détail plus intéressant. De quoi ? De minuscules morceaux de verre ont été retrouvés entre les dents des deux crânes. Et cela accréditait la thèse du suicide à l'aide de capsures de cyanure, oui, c'est ça? Par conséquent, en possession de tous ces éléments, le procureur de Francfort a décidé de mettre un terme aux recherches de Martin Bormann et il a proposé de confier les ossements à sa famille aux fins d'inhumation. Toutefois, très prudemment, il a précisé que le squelette ne devait pas être incinéré. Pourquoi? Parce qu'il avait un doute quand même? Non, mais parce qu'il pensait à juste titre que plus tard, des analyses plus fines pourraient être effectuées. Donc le squelette a été inhumé quand même? Eh non, les enfants de Bormann ont refusé de prendre en charge les ossements. Et pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas que cette dépouille était celle de leur père? Pas du tout. Leur refus était moral. Ils ne voulaient pas que la sépulture de leur père devienne un lieu de pèlerinage pour les sympathisants du Troisième Reich. Oui, je comprends, ouais. Alors, que sont devenus ces ossements? Ils ont été rangés dans un carton et confiés au greffe de la police judiciaire de Wiesbaden. Il faut espérer que ce greffe ait été moins négligent que certains greffes français. Assurez-vous, les ossements n'ont pas été égarés. En tout cas, il faut noter que cette identification officielle par le procureur de Francfort n'a nullement empêché les partisans de l'autre version, celle de la fuite de Bormann, etc., de continuer à soutenir que le nazi était toujours vivant. Et puis la rumeur a continué à courir. Mais toujours aussi mariage troublante. Toujours, oui. En 1993, par exemple, un journaliste allemand, Gerd Edelmann, affirme qu'il téléphone régulièrement à Bormann, réfugié en Uruguay. Mais on se rend rapidement compte que l'information est douteuse. Edelmann est aussi l'homme qui a inventé les faux carnets d'Hitler. Oui, tout à fait, effectivement. Alors, autre chose? Oui. Un an plus tard, un ancien agent soviétique écrit que Bormann a été son collaborateur et qu'il est mort en URSS. Et là, les spécialistes dressent l'oreille. Et pour quelle raison ça? Bah, parce que cela corrobore certaines de nos informations. Mais j'y viens dans un instant. Le résultat, c'est que toutes ces rumeurs ont fini par prodigieusement agacer les enfants Bormann. D'autant que plusieurs femmes prétendaient avoir eu un enfant de Bormann. Alors, informés des progrès de la génétique, deux des fils se sont résolus à demander une expertise. Mais vous avez dit que le cadavre était dans un très mauvais état. C'est juste. Une recherche classique d'ADN était donc aléatoire à cause de la présence de bactéries. Seule une analyse de l'ADN mitochondrial, selon la technique utilisée pour identifier la famille du tsar de Russie, pouvait éventuellement aboutir. L'ADN mitochondrial, c'est celui qui est uniquement hérité de la mère. Oui, c'est ça. On peut obtenir une empreinte génétique, même si les échantillons ont été dégradés par le temps et les bactéries. Par conséquent, en 1997, le carton contenant les ossements du présumé Bormann a été remis à l'Institut de génétique de Munich, tandis que les sept enfants de Bormann acceptaient de donner des échantillons de leurs cellules. Et la conclusion scientifique? Elle a été rendue publique il y a peu de temps. En juin 1998, les autorités judiciaires allemandes ont annoncé les résultats des expertises effectuées par l'Institut de Munich. Le squelette retrouvé près du Lerter Bahnhof était incontestablement celui de Martin Bormann. Ouais, la légende s'écroulait à tout jamais. Ouais, j'ajoute que depuis, les ossements ont été incinérés, les cendres dispersées en un lieu tenu secret par la famille. Encore une fois, pour ne pas perpétrer le culte du dirigeant nazi. Absolument. Alors revenons un peu en arrière. Hein. Vous avez dit que vous n'avez guère été étonné d'apprendre que Bormann avait peut-être été un agent soviétique. En effet, oui. Et c'est le deuxième grand secret de Martin Bormann. Il faut vous expliquer. Hein. Nous savions que pendant la guerre, les soviétiques avaient disposé d'un agent introduit dans l'entourage même du Führer. Et les services de l'amiral Canary avaient même cru le démasquer. C'était Bormann. Mais comment Le traître communiquait par radio avec Moscou. Un poste émetteur clandestin? Oui. Et ce poste émetteur a été découvert par les techniciens du contre-espionnage. C'est effectivement Bormann qui l'utilisait. J'imagine que Hitler a été informé en personne. Bien sûr. Canary, qui comme beaucoup de dignitaires du régime ne pouvait pas souffrir Bormann, s'est fait un plaisir de le dénoncer à Hitler. Mais celui-ci a réagi de façon curieuse, très curieuse. C'est-à-dire? Il a répondu sèchement à l'amiral qu'il connaissait parfaitement l'existence de ce poste. Bormann s'en servait pour envoyer de fausses nouvelles à Moscou. Pour pratiquer la désinformation, comme disent eux-mêmes les soviétiques? Oui. Et ça vous paraît vraisemblable? Absolument pas. J'avoue que une nouvelle fois, je ne comprends pas. Hitler a sans doute voulu couvrir celui qui était son confident et son plus proche collaborateur. Admettre que c'était un espion aurait provoqué un énorme scandale. Puis je vous l'ai dit, Hitler ne disposait déjà plus de tous ses moyens. Il avait besoin de Bormann, un besoin presque physique. Admettons, cet aspect agent soviétique cadre mal avec tout ce que vous m'avez raconté par ailleurs. L'homme qui organisait le transfert massif du trésor nazi vers l'Amérique du Sud pouvait-il être en même temps un agent de Moscou? Et pourquoi pas? Les soviétiques, grâce à Bormann, auraient pu ainsi contrôler à distance cette masse d'argent et aussi les activités des nazis réfugiés à l'étranger. C'est-à-dire éventuellement les utiliser ou les faire chanter. D'ailleurs, à mon avis, si Bormann a travaillé pour les soviétiques, c'est qu'il devait être lui aussi l'objet d'un chantage. Mais un chantage de quel ordre? Je n'en sais rien. Un homme savait la vérité. Un banquier suisse qui a longtemps collaboré avec Bormann et qui a lui aussi fricoté avec Moscou avant de devenir l'un des financiers du terrorisme international. Mais il est mort en 1995 et il n'a livré aucun de ses secrets avant de mourir. Un dernier mot. Je vous ai parlé de la maîtresse de Bormann. Manja Behrens, c'est ça? Oui. Eh bien, curieusement, après la guerre et malgré son passé hitlérien, elle est devenue une vedette du cinéma est-allemand. Bormann, agent soviétique. Reinhard Gehlen, l'ancien chef des services secrets allemands et lui-même ancien responsable du renseignement nazi en direction de l'URSS, était lui aussi persuadé que le secrétaire d'Hitler était un agent de Moscou. Voici ce qu'il écrit dans ses mémoires. Ce fut seulement en 1946, après la création de mon organisation, que j'eus la possibilité de pousser plus à fond mon enquête sur la mystérieuse disparition de Bormann, qui quitta le bunker d'Hitler à Berlin et que personne ne revit jamais. Je reçus des renseignements concluants sur les mouvements de Bormann après la guerre. Deux rapports distincts provenant d'au-delà du rideau de fer me confirmèrent qu'il avait été un agent soviétique et qu'après la guerre, il avait vécu dans la clandestinité en Russie, où il continua à conseiller le gouvernement de l'URSS jusqu'au jour de sa mort. Étant donné leur nature, on comprendra que je m'interdise de donner de plus amples détails sur mes sources d'informations. Toutefois, Gehlen, nous le savons aujourd'hui, se trompe sur un point essentiel, puisqu'il affirme que Bormann s'est enfui en URSS, alors qu'il a trouvé la mort dans la nuit du 1er au 2 mai 1945. Alors, se trompe-t-il aussi quand il affirme que Bormann était un agent soviétique? Enfin, si ce dossier vous intéresse, je vous recommande la lecture du livre de Jean-Paul Picaper sur la trace des trésors nazis, paru aux éditions Taillandier. Si vous avez des informations, des questions à poser sur cette affaire, je vous rappelle notre email www.franceinter.com et naturellement, vous pouvez aussi m'écrire. À samedi prochain.